T'es sur le fil, t'es sur la ligne qui appelle. Toi si souvent, comme un enfant qu'on appelle. Toi je ressens comme une prise infidèle. Et par beau temps, après la grêle, le ruissel. Je n'irai pas au paradis, car l'enfer en sait leur vie. Je cours vers mon destin, à ce jour rien ne vient me tient. Rester imputrescible face à l'orage qui vient. Il faut des psychiatres, des avocats, des chiens de garde. Règne les lois, ne plus bouger. Être à l'arrêt, quelle est donc en toi cette voix qui te dit barre-toi d'ici, va-t'en, tant qu'il est temps, encore temps. Les frontières sont ouvertes, file et dégage de là. Puis-je contourner le sens de ton apparence? Qui est-ce qui panique? Qui est-ce qui défie les lois de la physique? Le problème, c'est les gens. La masse, c'est le peuple qui est abruti. Par les médias corrompus, pourris, les gens ne sortent plus. Leur esprit de l'étui ne réfléchissent plus. Avale toute la bouillie qui leur est servie comme des idiots, comme des animaux dans un pré-parquet. Ne vont pas plus loin que les barbelés. Et un jour, à l'abattoir, ils sont amenés et on les découpe. Et il reste rien. Rien. Rien. Viande à chier, que de la viande à chier. et du vieux. Oui, rien de plus qu'un peuple aligné, qu'un souci de pauvre été. Regarde l'horizon, le sang s'y pointe son nez. Je prends le train de nuit, je garde mon train de vie. Je prends le train de nuit, je pars que mes avions. La selle ou les cloisons défoncer. Et la nuit, rien n'est dit. Corps à corps, l'insomnie. Le frisson, puis l'envie. Le frisson, puis l'envie. Le grand coup. Le grand coup. C'est le défi. Allume un cierge. T'es puni. Le péché l'orgueil. Tout te rattrape. Et te suit. Rien n'est dit. Rien n'est dit. Dans le fond. Rien de plus ici. J'ai pas compris. Bien sûr, qui adorait à présent. L'amour. L'amour. Oh, puis, j'attendrai. L'amour ne vient pas toujours. Avec le temps, avec le temps. Faut le chercher, oh l'amour, c'est peut-être un divin, une divine, une idée, un truc impossible, un machin qui n'existera jamais. And a song.